Le temps et les racines de toute évidence nous unissent. Quand les providences punissent et au final assassinent nos rêves, ils les calcinent pour qu'ils finissent au tribunal. Sans trêve, ils nous fascinent par le marginal. Ici, les nouvelles sont brèves, les garnements pomment leur candeur comme prophétie, les promesses d'un gouvernement sans grandeur. La messe est dite, mais on le révèle rarement. Au kermesse, les mômes méditent à l'âge de l'égarement. Décalage entre nos vies et ta détention. Nous, on se taille pour un collage et des avis naissent des tensions. Dans les moindres détails, je vois la coupe de Sivrac nous revoit geindre nos entrailles. Tout est en vrac et au bout nos rires qui éclatent. Écoute-les par ta fenêtre, ton sourire écarlate, conserve-le pour renaître. Qu'ils servent ta confiance pour esquiver les rapaces. Car la conscience, la méfiance et le qui-vive sont carapace. J'ai vu Samir à l'anniversaire de Polo. Nos adversaires, même en solo, sont toujours en vue dans la mire. Mes rimes sont amères, mais qu'elles renforcent toute ta rage. Nos déprimes ne sont qu'éphémères, on t'envoie force et courage. La pénombre et le brouillard, vos images scintillent à l'ombre en cage de débrouillard. Loin des hommages de pacotille, le rêve, la guine, les anecdotes. Marie m'a fait le tri, ces brèves lignes, cet antidote. C'est pour Karim et Dimitri, dans la pénombre et le brouillard. Vos images scintillent à l'ombre en cage de débrouillard. Loin des hommages de pacotille, le rêve, la guine, les anecdotes. Marie m'a fait le tri, ces brèves lignes, cet antidote. C'est pour Karim et Dimitri, en ces journées d'automne où la grisaille tue encore. Je sais que le décor où tu séjournes est monotone. Parfois le corps se détient, le cœur est blessé par le sort. Par les mots de soutien qu'ont laissé ta sœur et qu'on sort. Ma prose est complaisante, les tiens gardent la foi. Nous-mêmes morts sont plaisantes, on te regarde comme autrefois. Et en fait, quand l'émotion domine tous néophytes, nos passions deviennent prophètes, actrices de nos mines déconfites. La mienne est en graphite, matrice de mes notions, descriptrice de nos métrages, de nos questions sans solution. Perception cruelle, séparément l'on se construit. On marche dans nos ruelles, carrément en marche d'autrui. Entre les envies de ceux qui crachent, de ceux qui font et de ceux qui lors d'une vie s'arrachent et puis se refont. Un sens est pour un tel homme, pour ta femme et ta mère. Personne n'est immortel et dit aux infâmes au commère qu'une distance sépare, mais des moments nous rapprochent. Est-ce par les reproches des proches qu'une existence se répare? Qu'importe, au loin on te supporte sans détour. Nos mains seront sur nos portes, sur la horte à ton retour. Dans la pénombre et le brouillard, vos images scintillent à l'ombre en cage de débrouillard. Loin des hommages de pacotille, le rêve, la guine, les anecdotes. Marie m'a fait le tri, ces brèves lignes, cet antidote. C'est pour Karim et Dimitri, dans la pénombre et le brouillard. Vos images scintillent à l'ombre en cage de débrouillard. Loin des hommages de pacotille, le rêve, la guine, les anecdotes. Marie m'a fait le tri, ces brèves lignes, cet antidote. C'est pour Karim et Dimitri.